Nous en sommes rendus au Bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Et c'est aujourd'hui, c'est plus facile d'écouter la musique de l'Ouest canadien. Mais dans la courte histoire de Canrock, je vous dirais que lorsque j'ai commencé à développer Canrock pour être ce que c'est aujourd'hui, eh bien, je vous dirais que la musique de l'Ouest, c'était comme un album par année et demie peut-être. C'était pas évident et vraiment, il fallait chercher fort. Mais aujourd'hui, il commence à avoir une industrie intéressante et des artistes surtout intéressants. Et des fois, par contre, on n'a pas tout le temps de nouvelles de certains artistes qui sont excellents. Bon, comme par exemple Raphaël Frenette, comme pièce souvenir pour débuter le bloc de l'Ouest canadien, j'ai décidé de jouer une pièce de son album Un monde à voir. Comme je disais souvent à la blague, c'est un monde à entendre, à écouter, parce que vraiment, c'est un excellent musicien, très beau parolier aussi, très belle voix, très belle mélodie, très bon texte. Et sur cet album-là, il y a plusieurs bonnes pièces, mais il y en a une qui c'était vraiment ma préférée, c'est « Prendre le pouls », vraiment intéressant. Le rythme est très accrocheur aussi, vous allez voir. Et je ne sais pas s'il travaille sur un nouvel album, j'espère que oui, parce que j'adore ce qu'il fait. Faites ça sur Google, Raphaël Frenette, et allez découvrir, voir si, sa musique. Je ne sais pas si l'APCM a encore son disque. Un monde à voir, mais c'était vraiment un très bon disque, de très bonnes chansons. Donc, et puis je suis bien fier de faire tourner ça. Voici Raphaël Frenette et ma chanson préférée sur son album Un monde à voir. Voici tout simplement Prendre le pouls. Sur les rues du quartier, dansent les fantômes de ceux qui ont habité. Je suis les battements de la vie. Je vois le jour, je m'évade de la nuit. La lune blanche tire les hanches de la terre. J'ai quitté l'enfance, la danse accélère. Pour prendre le pouls. Tiré de son album Le Détroit, un autre excellent musicien de l'Ouest canadien, Paul Cournoyer, de la région d'Edmonton, si je ne me trompe pas, en Alberta. Et puis, c'est vraiment un très bon musicien. Et Le Détroit, c'est un très bon album que je devrais écouter sous peu là, pour vous en faire un commentaire de disque. Écoutez, vraiment une très bonne pièce qu'on vient d'entendre. Je manque d'air. Au début du mois de septembre, il était du côté de Québec. Et là, ce que j'ai pu comprendre, il est en tournée, il y fait les premières parties de Sam Tucker. Donc, bien content pour lui que ça va très bien à ce niveau-là. Et vraiment intéressant, j'aime son timbre de voix. Il y a des belles mélodies, de très bons textes. Donc, cherchez ça sur Google, Paul Cournoyer. Vous allez tomber sur un auteur, compositeur, interprète de grand talent. On va poursuivre en musique, si vous voulez bien, avec un autre qui fait de l'excellente musique et qui vient de se mériter un superbe beau prix lors des rencontres de Contact West. C'était tout simplement Sean Jobin qui a remporté le prix Rosec. Ça veut dire que le printemps et l'automne prochain, il va aller faire de la tournée avec sa musique hip-hop. Francescoise.

soleil, soleil, soleil dans les yeux. Étienne Fletcher, excellente chanson tirée de son album Côté A. Vraiment intéressant. Un gars que j'ai rencontré lors du Contact Ontarois 2019. Et un gars très sympathique de la Saskatchewan. Et je vous dirais là, que vraiment, là, voici une belle preuve que la musique de l'Ouest canadien, eh bien, ça se développe. Et puis, il y a de plus en plus d'artistes. Comme je vous dis, là, au début de Canrock, lorsque j'ai commencé à développer Canrock, eh bien, j'avais un artiste de l'Ouest canadien à tous les ans, année et demie. Maintenant, il y a de plus en plus d'artistes et c'est vraiment merveilleux. Et moi, ça me fait plaisir de faire tourner ça. La preuve, je viens de vous faire entendre une excellente artiste de la Saskatchewan. Allez faire un tour sur apcm.ca. Peut-être que son album est disponible là. Mettez la main là-dessus, c'est excellent. Donc, on va poursuivre, si vous voulez bien, une dernière chanson avec un autre artiste de la Saskatchewan, Mario Lepage, qu'on connaît bien sous le nom de Pontex. Et Les Éclats, ça s'en vient dans quelques instants. Et allez voir ça, allez voir et encourager les artistes de l'Ouest canadien. Hey. Après les éclats, jusqu'à ce que l'on se noie, jusqu'à ce que l'on se nomme, jusqu'à ce que l'on se voit, on n'est que vaguement. Je vois mon Un peu planant comme musique, mais fort bien réussi. Mario Lepage, Pontex, Les Éclats. Et ça me fait toujours plaisir de faire tourner ces artistes-là parce qu'ils ont besoin de se faire entendre. Et allez faire un tour sur l'APCM, www.apcm.ca. Regardez les disques qu'ils ont. Peut-être mettre la main là-dessus. Sur Google, Facebook, faites musique de l'Ouest canadien et encouragez ces artistes-là. Ils en ont besoin. J'espère que le choix musical vous a plu. C'est le temps de se dire au revoir. Je tiens à remercier l'Arc du Canada et son réseau RFA, ainsi que les directeurs de programmation des stations suivantes, CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chitika, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, la région de Barrie, en Ontario. Envol 91, Saint-Boniface, au Manitoba. CFRG, Gravelbourg, Saskatchewan. CILS, Victoria, Colombie-Britannique. CIVR, Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci de diffuser l'émission. Et bien entendu, commentaires, suggestions, mes contacts d'artistes francophones, vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. Voilà. Il me reste 15 secondes pour vous dire une seule chose. Allez encourager vos artistes locaux, c'est important. Ils ont besoin de votre support et vous risquez d'être séduits, ça c'est garanti. Sur ça, bonne semaine musicale. À la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock. Bye bye!